quand l'autre s'en va. Amb una cançó d'en Michel Verger, avui comencem una nova edició d'aquest al vostre espai. Això és Hola la Música, Rafael Corbí. Benvinguts altra vegada al vostre costat, al nostre costat, tots plegats per gaudir d'aquestes bones cançons cantades en francès. Avui és el nostre programa número 107. I la primera protagonista que tindrem serà aquesta cançó. Amb ella comencem, per tant, el programa d'avui. Michel Verger i La Bona Música. I nous, ça nous démolit le cœur. C'est bien peu de chose, juste un moment qui passe dans l'océan de l'univers. Quelques notes de mon piano, on répète tout haut. L'été, l'hiver, la vie entière. S'il avait voulu, moi j'ai voulu. Oh, j'ai tellement voulu. Fais dans

paraules, paraules i paraules, la música de Dalida, amb Alain Delon, un dels grans clàssics de la història de la música que ens portava, amb aquesta la seva recomanació per al programa d'avui, la Norma. I amb ella seguirem, almenys amb algunes cançons més, com aquesta, d'aquesta excepcional intèrpret, que sempre m'ha encantat, tant cantant en francès com també en anglès, és la candidata a Marianne, la personificació de la República l'any 2000, la Patricia Cass, nascuda a Forbach el 5 de desembre de 1900, 66, de mare alemanya i de pare francès. Patricia Cass ens portava una cançó que ens parlava des de l'àlbum C'est de Vie del 1990, els seus cors trencats. Une écharpe de laine, jeter les fleurs des vases de porcelaine. Il va couler bien des jours sous le pont de notre amour sans que je puisse t'oublier. J'ai accroché des rideaux gris aux fenêtres et j'ai brûlé. L'amour est-il si pressé de toujours vouloir s'en aller? Dites-moi si vous savez où sont vous les cœurs. Genial, aquesta intèrpret. Hi ha cantants que a mi m'encanten. Patricia Cass n'és una, i l'altra sempre ha estat, també cantant en francès o en anglès, la quebequesa Céline Dion. Ella ens portava l'any 2005 un àlbum preciós, anomenat On ne change pas, que incluïa aquesta cançó, D'amor o d'amistat. És una altra de les recomanacions de la Norma pel programa d'avui de Hola la Música. Il aime bien me parler des choses qu'il a vues, du chemin qu'il a fait et de tous ses projets. Je crois pourtant qu'il est seul et qu'il voit. D'amor o d'amistat, així escoltàvem també aquesta cançó a través del nostre programa. Programa que ens condueix avui cançons com per exemple les d'aquest àlbum anomenat Inspirat en fets reals. Són coses que ens solen passar, veritat, i que ara mateix també tindrem el plaer d'escoltar a través del nostre espai. Aquest és un disc que ens aporta amb la seva música a l'intèrprete que ens acompanyarà a continuació, gens dolent, per cert, amb les seves cançons i la manera d'interpretar cançons en francès o en anglès, o en aquest cas, barrejant també els tots els idiomes. Remember Paris, recordant París, amb Venavar. Així es diu ell i així és Venavar. Així és la seva música. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Remember Paris, we met on Île Saint-Louis. I told you about the monuments, you made fun of my accent. Do you remember Paris? I wasn't good in history, to talk with you to be useful. Yes, I invented a little. I'm not sure that Paul Verlaine used to live by the Seine. And I still don't know really what is a conciergerie. Do you remember Paris? I told you, vous êtes jolie. You had a city guide in hand. I had a few ideas in mind. Do you remember Paris? A restaurant, Place Clichy. I chose the wine pretending to know what I was doing. Do you remember me? The next morning, Roissy. We kissed goodbye, you took your plane. I never saw you again. Do you remember Paris? Do you remember me? Mon accent est toujours là. Et moi, je me souviens de toi. Quand je me balade au bord de la Seine, je pense à une Américaine. Do you remember Paris? We met on Île Saint-Louis. I told you about the monument. You made fun of my accent. Do you remember Paris? I wasn't good in history. You taught me due to be useful. I invented a little. I'm not sure that Paul Verlaine used to live by the Seine. And I still don't know really what is a conciergerie. Aquestes han estat les quatre cançons que ens han acompanyat en el dia d'avui amb la participació de la Norma. Agraïts en estem per la seva consideració envers el nostre programa després d'un temps d'absència. Esperem més recomanacions. Algunes ja l'havíem escoltat, com els temes de Dalida i Alain Delon o de Celine Dion amb el nostre programa. D'altres ens han portat àlbums que no recordàvem, com el de la Patricia Cass, i altres ens han permès descobrir personatges com aquest, com en Bruno Nicolini, nascut el 16 de juny de 1969, que, ja que hi som, serà el protagonista de les properes cançons que escoltarem. Perquè d'aquest àlbum varen sortir-ne, no aquesta, però sí d'altres senzills que aprofitarem per recordar d'aquest Inspiré, en fets reals, inspirat en fets reals, un àlbum publicat el 2014, però que entre el 2014 i el 2015 va produir senzills com, per exemple, aquest, La Gran Vie. Malin avec tes fleurs qui n'ont pas trouvé preneuse. T'as l'air de rien, bouquet de pleurs. T'es au plus bas et tu creuses. Mais lorsque les bras ouverts, tous les feux passent au vert. C'est la grande vie, le sacre des amants qui justifie tous tes chagrins d'avant. Alors là oui, ça ressemble à quelque chose. Alors là oui, ça les vaut toutes les roses. La grande vie, le sacre des amants, le ralenti que tu attendais tant. À toi les honneurs, à toi la gloire, tous les bonheurs de la victoire. T'es un héros. Tu as l'air bête devant sa porte qui reste belle et bien fermée. C'est clair et net, vaut mieux que tu partes. N'insiste pas, ça ferait qu'empirer. Tu fais demi-tour quand soudain un bruit de serrure te retient. C'est la grande vie, le sacre des amants qui justifie tous tes chemins d'avant. Alors là oui, ça ressemble à quelque chose. Alors là oui, ça les vaut toutes les roses. La grande vie, le sacre des amants, le ralenti que tu attendais tant. À toi les honneurs, à toi la gloire, tous les bonheurs de la victoire. T'es un héros. grande vie, le sacre des amants, qui justifie tous tes chagrins d'avant. Alors là oui, ça ressemble à quelque chose. Alors là oui, ça les vaut toutes les roses. La grande vie, le sacre des amants, le ralenti que tu attendais tant. À toi les honneurs, à toi la gloire, tous les bonheurs de la victoire. La grande vie, le sacre des amants, qui justifie tous tes chagrins d'avant. Alors là oui, ça ressemble à quelque chose. Alors là oui, ça les vaut toutes les roses. La grande vie, le sacre des amants, le ralenti que tu attendais tant. À toi les honneurs, à toi la gloire, tous les bonheurs. La La Music, amb Rafael Corbí. Je faisais ce rêve, enfant. Je m'éloignais de la clairière. Pénétrer ce bois devant, plus j'avançais, moins j'y voyais clair. Je m'égarais seul dans le noir, m'enfonçant, je devinais. Le rêve avait viré cauchemar, puisque personne, personne. Dans cette forêt, j'y suis encore. De cette forêt, est-ce qu'on en sort? Guet-apens sombre, végétal, obscure et verte, cathédrale, écrasante et sale. Dans cette forêt, il y a des gens progresse comme moi difficilement. Dans ce tricot de branches savantes, de ronces, de racines rampantes, si menaçantes, si menaçantes. Dans ce cauchemar d'enfance, le lierre retenait mes cris. Je tremblais de peur, sans défense, blotti, grelottant pour la nuit. Parmi ce peuple indifférent, d'arbres, de feuilles, devant, j'avais perdu ma propre trace. Depuis je sais que quoi que je fasse. Dans cette forêt j'y suis encore. De cette forêt est-ce qu'on en sort? Guet-apens sombre, végétal, obscure et verte, cathédrale, écrasante et sale. Dans cette forêt, il y a des gens qui progressent comme moi difficilement. Dans ce tricot de branches savantes, de ronces, de racines rampantes, si menaçantes. Dans cette forêt, j'y suis encore. De cette forêt, est-ce qu'on en sort? Guet-apens sombre, végétal, obscur et vert. déserte, cathédrale écrasante et sale. Escoltant les cançons d'aquest disc avui a través del nostre espai Venabar amb Inspiré amb Fets Reals, un àlbum del 2014. Aquest és el nom artístic d'un cantautor francès, d'en Bruno Nicolini. Va néixer el 16 de juny de 1969. El seu nom artístic és una forma d'argot que deriva de Bernabé, sobrenom que li va donar el seu amic Patxota quan tocaven junts, però que va patir una inversió silàbica. És autor de cançons populars en francès que es basen en fets de la vida quotidiana, de la societat o del fet de ser una mica problemàtic. Recordem que va rebre el 2007 amb la cerimònia dels Premis Victòries de la Música, el premi més important de la música francesa, el premi de millor intèrpret masculí de l'any i també de la cançó original amb aquell any. Escoltem una quarta i darrera cançó d'aquest àlbum que avui recordem. Mercès a la petició que ens feia amb la seva música, amb el Remember Paris, la Norma, doncs hem aprofitat per recordar aquest àlbum i per afegir un nou artista a l'elenc de Olala Music. Lorsqu'elle nous adresse, sans le vouloir d'ailleurs, ce regard qui transperce, on en sait la valeur. Parce qu'il leur échappe, parle de lui-même, et parce qu'il ne frappe que celui qu'elles aiment. On l'avait déjà vu, ce regard qu'on convoite, souvent au début, nettement moins par la suite. Il s'était fait rare, c'est sûrement de notre faute, et on ne veut pas le savoir s'il fut donné à un autre. Célébrons son retour, il ne fait que passer, raison de plus alors pour en profiter. L'œil est un dépotoir, on voit tellement de saleté quand on reçoit ce regard, que les yeux soient loués parce qu'on le voit moins, parce que les couples s'installent. Faut dire qu'on est loin d'être l'homme idéal. L'espace d'un instant, c'est ainsi qu'elles nous font, dans l'espace en suspens, leur déclaration. Malgré ce qu'on est devenu, l'usure et tout ça, et les malentendus, elles ne regrettent pas leur choix, c'est même le contraire, elles t'aiment, c'est comme ça, d'un battement de paupières, pour une fois tu la crois, c'est la pure vérité, comme deux et deux font quatre, nature et spontanée, comme on baille au théâtre. Mais lorsqu'elle nous adresse, sans le vouloir d'ailleurs, ce regard qui transperce, on en sait la valeur. Parce qu'il leur échappe, parle de lui-même, et parce qu'il ne frappe que celui qu'elles aiment. Anem a la música de més actualitat després d'aquests temes. Una formació d'un duo de Montreal que es diu Triple Go. De fet, ara recordem algun dels àlbums, dels millors àlbums més comercials, segons la crítica, de l'any 2019. Triple Go, es diuen aquest duo, Sanguer i Momo Spas, un disc, com és habitual a les llistes de música francesa, doncs de hip-hop i de rap. Escoltarem un parell de temes del seu àlbum Mashaquil, de 2019, un dels millors àlbums segons les llistes d'èxits d'aquest any 2019. Escoltarem dos temes, el primer Tu l'agà, i també ne sentirem una altra de les cançons d'aquest disc, True North. Je suis dans le couloir. Je suis dans le couloir. Je suis dans le couloir. Je suis dans le trou noir. 93.1 dans l'heure. 93.1 dans l'heure. Je suis dans le couloir. Je suis dans le couloir. T'as le gros pétard, je brûle un gros pétard. Dans la fleur de l'âge, j'arrache tes pétales. T'as dit si tu obéis, salope devant l'OPJ. On sait qui on est, sus des kilomètres. C'est le 9-3.1-1. C'est la peuf qui te rend zinzin. C'est des chouin-gouin-gouin. Au Togo j'ai pas faim. La chienne t'es plus la merde et je mets du parfum. Je suis dans le couloir. Je suis dans le couloir. Je suis dans le couloir. Je suis dans le trou noir. 93.1 dans l'heure. 93.1 dans l'heure. Je suis dans le couloir. Je suis dans le couloir. Nava le charbon, loin de ton pardon. Et ça sent pas bon. Chétane pantalon, sale toxique, quoi tu te grattes. J'allume un terre dans la grotte. C'est ton passé que j'agrippe. Tu parlais mal, tu regrettes. 9-3.1-1-1. C'est pas Copacabana, je vais t'arracher ta banane. Charbonneur, barreau du char à Paname. Ils n'en ont pas pour moi, donc j'ai pas d'état d'âme. Je suis dans le couloir. Je suis dans le couloir. Je suis dans le couloir. Je suis dans le trou noir. 93.1 dans l'heure. 93.1 dans l'heure. Je suis dans le couloir. Je suis dans le couloir. Doncs sí, de la llista general de les millors, més escoltades, més venudes, cançons, música, àlbums en francès que tenim del 2019, si són 20, doncs 20 són de rap, de hip-hop, una mica el que passa amb d'altres contrades, doncs amb música com el reggaeton, etc. Que vol dir que sigui la millor? Doncs no ho sé, suposo que la gent que li agrada escoltar-la, doncs ho farà. No incidirem molt més després d'aquests del duo Triple Go amb el seu àlbum de debut, que hem sentit per aquest passat 2019, però sí que escoltarem una cançó més d'un altre dels àlbums més importants de l'any, concretament el publicat també amb el format, òbviament, com he dit abans, com tots, del món del rap. És Landy. Landy ens porta el Asa Vaink, aquest àlbum del rapper originari de Saint-Denis. I en Landy ens acompanyarà amb una cançó que ha estat la gran triomfadora d'aquest disc, al costat de Dadju, una cançó que es diu Muerte. L'escoltem també amb el nostre programa d'avui. Posé dans ma cellule, je repense à toi. À toutes les fautes tu t'as raconté. Quand tu m'avais dit de faire Bélec. Comme un con, moi je l'ai pas écouté. Toi je pouvais niquer tout le BNF, mais t'as raté le coche. Je reste toujours titulaire, sous lointaine. Je peux pas changer de poste. Fallait juste me laisser du temps. Il me restait juste 2-3 Loki.

c'est qu'elle, quand elle sera sur dos.